Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 11. Et il sortira un rejeton de la racine de Jessé, et une fleur s'élèvera de sa racine. Et l'esprit du Seigneur reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de science et de piété. L'esprit de crainte du Seigneur le remplira. Il ne jugera pas d'après ce qu'auront vu les yeux, et il ne condamnera pas d'après ce qu'auront ouï les oreilles. Mais il jugera les pauvres dans la justice, et il se prononcera avec équité pour les hommes paisibles de la terre. Et il frappera la terre de la verge de sa bouche, et du souffle de ses lèvres il tuera l'impie. Et la justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité le ceinturon de ses flancs. Le loup habitera avec l'agneau, et le léopard se couchera près du chevreau. Le jeune taureau et le lion et la brebis demeureront ensemble, et un petit enfant les conduira. Le veau et l'ours iront au même pâturage, leurs petits se reposeront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera la paille. Et l'enfant à la mamelle se jouera sur le trou de la spique. Et celui qui viendra d'être sevré portera sa main dans la caverne du basilic. Ils ne nuiront pas, et ils ne tueront pas sur toute ma montagne sainte. Parce que la terre est remplie de la connaissance du Seigneur, comme les eaux qui couvrent la mer. En ce jour-là viendra la racine de Jessé, qui est comme l'étendard des peuples. C'est à lui que les nations adresseront leurs prières, et son sépulcre sera glorieux. Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur étendra une seconde fois sa main, pour posséder le reste de son peuple qui aura échappé aux Assyriens, et à l'Égypte, et à Phétros, et à l'Éthiopie, et à Élam, et à Sénahar, et à Emath, et aux îles de la mer. Et il élèvera son étendard parmi les nations, et il réunira les fugitifs d'Israël et les dispersés de Juda. Il les rassemblera des quatre coins de la terre. Et la jalousie d'Éphraïm sera détruite, et les ennemis de Juda périront. Éphraïm n'enviera pas Juda, et Juda ne combattra pas contre Éphraïm. Et ils voleront sur les épaules des Philistins par la mer. Ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. L'Idumée et Moab seront la première capture de leurs mains, et les fils d'Ammon leur obéiront. Et le Seigneur mettra à sec la langue de la mer d'Égypte, et il lèvera sa main sur le fleuve. Il l'agitera par la force de son souffle, et il le frappera dans ses sept ruisseaux, en sorte qu'on le passera tout chaussé. Et il y aura une voie pour le reste de mon peuple qui aura échappé aux Assyriens, comme il y en eut une pour Israël au jour auquel il monta de la terre d'Égypte. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.